الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on arrive au point numéro 87. On avait deux mots la semaine dernière qui n'étaient pas très clairs. Il y avait chez moi page 395. C'est le point 81. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. C'est le point numéro 81. Donc on avait quatrième ligne, juste après le verset d'Ali Imran. تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم والعياذ بالله. تتقد. Donc c'est comme je vous avais dit, c'est la même chose que تشتعل. C'est s'allumer, flamboyer. S'allumer, flamboyer. طيب. On a le deuxième mot, page 402. Enfin, chez moi, j'ai page 402. C'est les dernières lignes du point 83. C'est pour ça que je donne les numéros de points. Le deuxième point, c'est le point numéro 83. Les dernières lignes du charh. Les trois dernières lignes. Chez moi, c'est page 402. Chez vous, j'en sais rien. Les dernières lignes du charh du point 83. Donc il parle de zakat, wa tabra'u dhimmatu ad-dafi' li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yursilu al-jubat liz-zakat min ashabiha. Jubat. Jubat, c'est les collecteurs. Jaba jibayatan, c'est collecter. On envoie des gens pour collecter la zakat. Abdallah, t'as trouvé le point 80? Page 395, Indy. C'est le point numéro 81, la 3 ou 4e ligne du charh. Tattaqidu. Tashta'ilu bihim wa tattaqidu bi ajsamihim. 319. S'allumer et flamboyer. طيب. Point numéro 87. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'alam anna ash-shira'a wal bay'a halal idha bi'a في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. أحسن كده ترجمة. كلا. Et sache que le commerce et la vente sont permis dans les marchés des musulmans, tout en respectant les règles du Coran et de la Sunna, tant qu'aucune tromperie, injustice ou traîtrise ne s'y introduise, ou qu'il n'y ait pas de contradiction avec le Coran ou de contradiction avec la science. Charh explication. Na'taqidu anna al-bay'a wa shira'a halal. On a la ferme conviction que la vente, le commerce, l'achat, c'est illicite. Qala ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harram al-riba. Allah dit dans le Coran, Surat 2, verset numéro 275. Le sens, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Et dit Allah dans le Coran aussi, Surat 4, verset 29. Le sens, ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyatis salatu famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ay utlubu ar-rizqa wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Surat 62, verset 9 et 10. Le sens, ô vous qui avez cru quand on appelle à la salat au jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre. C'est-à-dire, et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah, chéridez, c'est-à-dire recherchez votre subsistance. Allez voguer à vos occupations et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. وَقَالَ فِي الْمَسَاجِدُ سَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْآيَة. Il dit également dans la sourate 30, la sourate 24, versets 36 et 37, le sens dans les maisons des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle, matin et après-midi. Rijalun, des hommes que ni le négoce ni le commerce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Et de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Jusqu'à la fin du verset. La tulhihim lam yaqul la yabi'una wa yutajirun. Le cheikh dit, Allah il a dit dans le Coran, Rijalun la tulhihim. Tulhihim, ça vient de l'lahu. C'est-à-dire, je répète, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation. Ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah. Il n'a pas dit, ce ne sont pas des gens qui vendent, ce ne sont pas des gens qui sont adonnés au commerce. Là. Lam yaqul la yabi'una wa yutajirun. Bal qala la tulhihim tijaratuhum an dhikrillah. Il a dit que leur commerce, leur négoce, l'argent, leur richesse, ça ne les détourne pas de leurs obligations, du rappel d'Allah, etc. Bal yahduruna ila al-masajid wa yusalluna ma'a al-jama'a. Au contraire, quand c'est l'heure de la prière, ils se rendent à la mosquée et prient en groupe. ثم ينصرفون الى بيعهم وشرائهم. Quand ils ont fini, ils retournent à leur travail, à leurs occupations, à leur vente, achat, commerce, etc. والبيع والشراء من اطيب المكاسب اذا سلم من الغش ومن الخديعه. البيع والشراء, la vente et l'achat, fait partie des meilleurs des gains. اذا سلم, سلم ici ça veut dire lorsqu'ils sont épargnés d'eux, déchus d'eux, le riche. Donc c'est la traîtrise, très trahison, traîtrise. Ça revient à peu près à la même chose. Il y a des petites différences entre eux. Salima min al-bay'i ou min bay'i al-mawad al-muharrama. Si, pourquoi Salima il est au muthanna, il est au duel? Il bay'i al-shira, il parle de la vente et l'achat. Lorsqu'ils sont déchus d'eux, mawad al-muharrama. Tu ne vends pas et tu n'achètes pas des choses qui sont interdites. والتعامل الحرام والربا, c'est déchu de transactions illicites. والربا, l'usure. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. Lorsque la vente et l'achat sont déchus de corruption, déchus de choses qui sont interdites, font partie des meilleurs des gains. Mawad, c'est matière. À savoir qu'ici, mawad al-muharrama, tu ne fais pas de vente de choses qui sont interdites. Les choses qui sont interdites, le khomour, le khinzir, tout ça, tout ce qui est interdit, tu ne le fais pas. Ida bi'a fi aswaq al-muslimin. Ils sont vendus dans les marchés des musulmans. Ils sont vendus dans les marchés des musulmans. Ma yujlabu fi aswaq al-muslimin fala tas'al an. Ce qui est vendu dans les marchés des musulmans, n'interroge pas son sujet. Lien al-asl al-ibaha illa ida alimta annahu muharram. À la base, à la racine, ce sont des choses qui sont licites, sauf quand tu sais que c'est quelque chose qui est illicite. Ala hukm al-kitab wa as-sunnah. Tout en respectant les règles du Coran et la Sunna. Bi an tatawaffar shurut al-bay' al-ma'rufa. Que les conditions de la vente, c'est-à-dire de la vente qui est conforme à la sharia, soient tawaffara, c'est-à-dire qu'elles soient réunies, elles soient existantes. Wa idha tawaffarat shurut al-bay' as-sab'a al-ma'rufa. Lorsque les sept conditions connues pour qu'une vente elle soit valide sont réunies, la vente est valide et conforme. Il met dans la marge wahiya rida, donc c'est la satisfaction. Il y a des deux côtés, hada yabi' wa hada yishtari, an rida, ils sont tous les deux consentement mutuel. Wal rushd, rushd wallahu ta'ala a'lam alladhi yadhhar anna la personne elle a atteint l'âge de savoir et ni qu'elle est en train d'acheter, connaissance de cause. C'est un peu équivoque, il n'a pas expliqué, il met juste les conditions. Mais fuma alam ana hada huwa al-maqsoud bil-rushd. C'est-à-dire que tu vends pas un majnoun. Majnoun il vient, il te demande kada ou kada, ou toi tu sautes sur l'affaire parce qu'il ne comprend rien, mskin. Kawnu al-mabi' mal, malan mubah, al-manfa'a. La chose que tu vends, le mabi' c'est la matière que tu vends, la chose que tu vends. Mal, mubah, al-manfa'a. C'est quelque chose qui est licite à l'utilisation. Kaunul babi' milkan lil ba'i' ou ma'dounan lahu fi waqt al-'aqd min malikihi ou al-shari'. Kaunul mabi', le fait que la marchandise que tu vas vendre, milkan lil ba'i', c'est une possession au vendeur. Le vendeur qui va te la vendre, ça lui appartient. Ou ma'dounan lahu fi, ou bien il lui a été autorisé de la vendre. Ça lui appartient pas, mais on l'a déterminé, on l'a pris comme intermédiaire pour qu'il vende justement cette marchandise waqt al-aqd, au moment de la transaction, min malikihi, c'est-à-dire que le propriétaire, il a délégué un tel pour vendre sa marchandise. Ah oui, shari', ou bien le législateur, al-qudra ala taslimihi. Tu vends quelque chose, tu es capable de la remettre à l'acheteur. C'est ça le taslim. Ma'rifat al-thaman wal-muthman. Connaître al-thaman, le prix, wal-muthman, la marchandise qui est vendue. An yakuna munjazan la mu'allaqa. Aidan hada, il est un peu mushkil, donc entre parenthèses. An yakuna munjazan la mu'allaqan, que la marchandise elle soit prête, pas rattachée à, si tu veux, à quelque chose. انظر المبدع ابن مفلح رحمه الله والروض المربع الروض المربع سيد الباهوتي شرح زاد المستقنع ومنار منار السبيل دونك شروط البيع باختصار il les a cité هذوهما les 7 وما يباع فإنه حلال ce qui est vendu que ce soit licite والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك à la base le musulman il est censé s'adonner à une vente qui est halal, la marchandise qui est halal, comme tout ce qu'on vient de voir là à l'instant là, et l'acheteur également. Donc à la base, qu'il y a dans les marchés des musulmans, on n'interroge pas dessus. قوله من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. Donc aucune tromperie, injustice ou traîtrise ne s'y introduise. أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام لأنه يصبح من القمار. Lorsque dans la vente rentre donc tagrir, donc c'est comme il a cité la tromperie, ou jahala, c'est que tu ignores la chose réellement comment elle est, ou mukhatara, c'est un risque, comme le qimar. C'est-à-dire, mukhatara, tu risques quelque chose. Fainnahu haram, ça devient interdit. Yannahu yusbihu min al-qimar, ça devient comme les jeux de hasard. Tu mises et peut-être tu gagnes, peut-être tu perds. Ou min al-khida', ça rentre dans la trahison. بأن يظهر شيئا غير حقيقي. Tu fais apparaître aux gens quelque chose qui n'est pas réel. يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي. وهذا ما يسمى بالتدليس. Tu fais apparaître aux gens quelque chose qui n'est pas réellement comme eux ils le voient. Et c'est ce qu'on appelle التدليس. تدليس, je ne sais pas comment il traduit en français, mais c'est que la définition c'est ça en fait. C'est faire apparaître quelque chose sous une apparence qui n'est pas réelle. Oui, comme il y a. Tadlis, il y a dans Mustalah al-Hadith. Tadlis ala nawain, Tadlis al-Taswiyah ou Tadlis al-Shuyukh. Maintenant, Tadlis al-Shuyukh, parmi les rawat qui sont connus pour ça, c'est Al-Hassan al-Basri. C'est-à-dire qu'il citait par exemple son professeur sous un nom que les gens ils vont croire qu'il parle d'une personne alors que lui parle d'une autre personne. Tu dis maintenant, Fulan. Tu cites avec un nom, les gens ils vont tout de suite penser à une personne, alors que toi tu vises une autre personne. Tu n'as pas menti, mais tu as fait apparaître quelque chose qui n'est pas réellement ce que toi tu voulais dire. Tadlis. Yahtaj ila tafsil yani dans Mustalah al-Hadith, lakin pour le terme linguistique, c'est ça. Idhar shay bi madhharin ghayri haqiqi. Wa huwa idhar as-sil' bi madhhar yu'jibu an-nadhir ilayha wa hiya fi al-batn bi khilafi. Donc dans le matjar. Tu fais apparaître la marchandise d'une apparence qui va, yani la personne qui va la voir, la personne qui est intéressée justement par ce type de marchandise, il va être impressionné ou étonné, ou va être attiré, alors qu'en réalité, dans le cachet, dans le domaine réel, cette marchandise-là, elle n'est pas de la sorte. Qala aw dhulm. Une injustice. Donc il avait dit min ghayri an yadkhulahu taghrir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de tromperie qui soit attribuée dans cette vente, ou dhulm ou ghadr, ou bien injustice. Bien yuba' qahran ala sahibi. Qahran, al-qahr, c'est la force, c'est-à-dire que tu forces quelqu'un à vendre ou à acheter. Bien yujbara ala al-bay', tu le forces à vendre. Innama al-bay'u an taradin. La première charte qu'il a cité, vous voyez dans la page précédente, je ne sais pas si vous avez le même tarqim et tout ça, wa hiya ar-ridha. La charte al-awwal, ar-ridha bayn at-tarafayn. Il faut que les deux côtés ils soient consentants. C'est-à-dire le vendeur il veut vendre et l'acheteur il veut acheter. Innamal bay'u 'an taradin. Qala sallallahu alayhi wa sallam, innamal bay'u 'an taradin. Rawahu Ibn Majah Ibn Hibban fi sahihihi 'an Abi Sa'id al-Khudri qala al-Bawsiri fi misbah az-zujajah. Isnadun sahihun rijaluhu thiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la vente ça se fait avec consentement mutuel. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله dit dans le Coran, le sens aux les croyants que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. فيشترط لصحة البيع رضا البائع. Donc il faut, pour que la vente elle soit valide et conforme, l'agrément du vendeur. أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك. C'est-à-dire que il a le choix de vendre ou pas vendre. On le force pas. Al-Jabr, c'est comme quand on voit dans Kutub al-Aqaid, Al-Jabriya, ils disent que tu es forcé de faire. Hein? Tu n'as pas le choix de faire ou pas faire. Ils disent que t'es mujbar. Et maintenant, tu es allé au milieu de la rue, une voiture, elle t'a renversé. C'est pas toi qui es au milieu de la rue, mais tu as été forcé. Il y a une force surnaturelle ou surhumaine qui t'a forcé à aller sur l'un. هذه عقيدتهم الفاسدة لا مجبرا على ذلك. C'est-à-dire que la personne, le vendeur, il vend de plein gré. Faut pas qu'il soit forcé de vendre. لأن إجباره ظلم. Car si tu forces le vendeur à vendre, c'est une injustice. إلا إذا كان إجباره بحق كان يكون عليه ديون وأبى أن يسدد. Sauf si on le force à vendre et que يعني on a le droit. Dans un cas où on a le droit, comme quelqu'un, il donne un exemple, quelqu'un qui a des dettes et il refuse de s'acquitter de ses dettes. عليه ديون. Il a des dettes, hein, il doit des sommes. Wa aba, aba, c'est-à-dire il refuse. أن يسدد, il refuse de s'acquitter de ses dettes. فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه. Donc là, les autorités, elles ont le droit de obliger cette personne-là à s'acquitter de ses dettes. ولو لم يرضى بذلك, même s'il refuse, même si هو, il s'oppose à ça. لأن هذا إكراه بحق, car ça rentre dans le fait de contraindre la personne à s'acquitter maintenant de ses dettes, à vendre, si tu veux, à s'acquitter de ses dettes, à payer ce qu'il doit payer. Mais là, ils ont le droit de faire ça, car la personne se refuse de s'acquitter de ses obligations. ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق. C'est pour ça qu'ils ont dit, قالوا يعني قال العلماء. Les savants ont dit, لا يصح, il n'est pas valide d'obliger, de contraindre quelqu'un à vendre ou à payer quelque chose, sauf si il y a un droit ou une raison valable derrière. Certaines personnes disent que, quand tu achètes ou tu vends, tu négocies. Je ne sais pas du tout d'où ça sort ça. Et concernant le passage là, que Cheikh l'a cité, أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك لأن إجباره ظلم. Il y a une fatwa du comité permanent sur les gens يعني, qui insistent de trop quand ils veulent acheter quelque chose sur un prix, à tel point qu'ils forcent, si tu veux, de manière indirecte ou le vendeur à faire le prix qu'eux ils veulent. هذا يجوز لا يجوز لا يجوز بالنسبة للصحة je sais pas نشفاش لكن ils disent لا يجوز لأن il faut تراضي من الطرفين. Tu peux négocier, tu peux discuter, tu peux yani, évoquer des choses, dire voilà, ta marchandise elle a ça ou kada, mais forcer la personne ou bien insister à tel point yani, que la personne elle craque et tout ça, c'est pas bien. C'est sunnah de négocier, Allah, je sais pas d'où ils sortent ça. Si quelqu'un a quelque chose, je dis bon, mon droit. طيب, المسألة التي بعدها, point 88. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقدع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. 88. Et sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde, que le serviteur doit avoir en permanence de la compassion tant qu'il vivra dans ce bas monde, car il ne sait pas quand il va mourir ni comment il va finir sa vie et comment il va rencontrer Allah, et ce même si ses actions sont toutes bonnes. Et il convient à toute personne dont l'âme prend le dessus dans le mal de ne pas désespérer pour autant de la miséricorde d'Allah au moment de la mort, et qu'il ait de bonnes pensées envers Allah, qu'il craigne ses péchés. Et si Allah lui fait miséricorde, c'est par un bienfait et une grâce, et s'il le punit, ce sera pour ses péchés. الشرح اكسبليكاسيون هذه مسألة عظيمة وهي السوجي لا سو بوين لا تري امبورطون ان المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء سو بوين لا كي ريفيان دير كو لو كرويان il doit réunir entre eux la peur et l'espoir. Il doit avoir peur d'Allah et de son châtiment, il doit avoir espoir en Allah et en sa récompense, son paradis. فَيَسِيرُ فِي أَعْمَالِهِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. Donc, il évolue, il œuvre entre la peur et l'espoir. فَلَا يَخَافُ فَقَطْ وَيَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Il ne faut pas que la personne, elle a seulement peur. Elle est du châtiment d'Allah, elle a peur d'Allah, etc. Et yaqnat, yaqnat, c'est-à-dire qu'il désespère. Mir rahmatillah, il désespère de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, à la fin de la sourate Yusuf, alayhi salatu wa salam, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Sourate Yusuf, sourate 12, verset 87. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il dit également, donc surat 15, verset 56, qui c'est qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Encore un autre verset, il a cité, surat numéro 39, surat Zumar, les groupes, verset numéro 53. Le sens dit aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. فَلَا يَخَافُ خَوْفًا زَائِدًا يُقَنِّطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Faut pas que la personne elle ait une peur excessive, une peur excessive qui va engendrer que il désespère de la miséricorde d'Allah. فَهَذَا خَوْفٌ مَذْمُومٌ. Ça c'est une peur qui devient mauvaise. À la base la peur d'Allah elle est mahmouda, elle est bien. C'est une ibada, c'est une adoration, ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses mauvaises. فَهَذَا خَوْفٌ مَذْمُومٌ. Si tu atteins ce degré-là de peur, c'est mauvais. Tu rentres dans une peur qui est mauvaise. وَكَذَلِكَ يَرْجُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Également, il doit avoir de l'espoir en Allah. لَكِنْ لَا يُخْرِجُهُ الرَّجَاءَ إِلَى أَنْ يَأْمَنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Mais il ne faut pas qu'il atteigne trop d'espoir à tel point qu'il se sent à l'abri du stratagème d'Allah. بل يكون خائفا من مكر الله. Faut qu'il soit entre les deux. Faut qu'il craigne le stratagème d'Allah. ومكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله. Quand on dit stratagème d'Allah, le cheikh dit, c'est quelque chose qui est conforme à Allah avec son excellence et ça fait partie de ses attributs de perfection. ليس هو كمكر المخلوق. C'est pas comme le stratagème d'une créature envers une créature. Le مكر في اللغة, le stratagème dans le langage, et la définition du mot lui-même. C'est-à-dire causer du tort à quelqu'un d'une manière cachée, d'une manière que la personne ne va pas se rendre compte de cela. Par contre, si tu atteins une personne à travers du tort et que la personne elle mérite cela, ça devient une justice et une équité. وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى. Il dit c'est ça, le stratagème d'Allah. فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين. Allah il a un stratagème envers les injustes, envers les débauchés. فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. Il les punit d'une manière qu'ils ne s'en rendent même pas compte. وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه. Tout ça c'est une justice de la part d'Allah, puisque ces gens-là c'est eux qui ont causé du tort à eux-mêmes et aux autres. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز. Par contre, si jamais tu causes du tort à quelqu'un, à autrui, alors que tu n'as pas le droit de leur causer du tort, ça devient une injustice et une interdiction. وهذا هو مكر المخلوقين. C'est ce que les gens se font les uns avec les autres. Un il ruse contre l'autre, un il fait un mu'amarat, les stratagèmes, etc. أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود. Le stratagème d'Allah جل وعز, il est louable. لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى. C'est une justice de sa part, une équité. فهذا فرق بين الأمرين. Différence entre les deux choses. بين مكر الله ومكر المخلوق. Entre le stratagème d'Allah et le stratagème de la créature. قال تعالى ومكروا ومكر الله. Wallahu khayrul makirin. Allah dit dans le Coran, plusieurs passages, le cheikh ici l'a cité le verset 54 de la sourate 3, le sens, et ils, les autres, se mirent à comploter, et Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. هذا من باب الجزاء لهم. Ça c'est une rétribution en leur faveur. C'est-à-dire, wa makaru, ils ont se mirent à comploter, et Allah a fait échouer leur complot. Donc c'est eux qui ont commencé à préparer un complot. فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى. C'est pas une injustice de la part d'Allah. وإنما هو مرتب على مكرهم. Suite à leur complot, Allah il a comploté contre eux. Makaru wa makara wa makara Allah. Vous avez une dhamma normalement. Wa makara Allah c'est makara. Wa makara Allah bihim uqubatan lahum. Allah il a préparé un stratagème pour les punir. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Dans le hadith, l'un d'entre vous va œuvrer des œuvres, des actions, des adeptes du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et elle, c'est-à-dire entre lui et le paradis, que ذراع, qu'une courte durée de vie, c'est-à-dire une coudée. فيسبق عليه الكتاب. يسبق عليه الكتاب, c'est-à-dire dans le sens que ce qui lui a été prédestiné, ce qui est écrit dans اللوح المحفوظ, va se manifester. فيعمل بعمل أهل النار. Cette personne-là va se mettre à œuvrer des actes des adeptes de l'enfer et il va rentrer en enfer. يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار. Il rentrera en enfer pourquoi? Parce qu'il a œuvré des actes qui sont conformes, qui sont pareils que les gens de l'enfer. والجزاء مرتب على العمل. La récompense elle est selon l'acte. ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار. Puisque sa fin c'est qu'il œuvre des actions qui sont pareilles que les gens de l'enfer, donc il va rentrer en enfer. والعكس, et le contraire pour le contraire. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Quelqu'un fait des œuvres des gens de l'enfer, il reste qu'une courte durée à vivre, il fait des actes des gens du paradis et il y entre au paradis. يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة ومات عليه. Il a fait des œuvres des gens du paradis avant de mourir, il est mort sur cet état-là, il y rentre au paradis. فالنار لا تدخل إلا بعمل والجنة لا تدخل إلا بعمل والأعمال بالخواتيم. C'est-à-dire que celui qui rentre en enfer, c'est à cause de ses actions, celui qui rentre au paradis, c'est à cause de ses actions, et l'a'mal, les actes, valent par leur dernier. فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزير. Donc la personne, يغتر, ça vient de l'غرور. La personne ne doit pas se laisser tromper par sa piété, par sa droiture. ويأمن, يأمن من الأمان. La personne, elle se sent en sécurité. Elle dit, moi je suis en sécurité, من الزير, je ne peux pas ni m'égarer. كم زار من مؤمن ومن مسلم ومن عالم. Combien qui se sont égarés parmi les mu'min, des croyants, parmi les muslims, il y en a des musulmans, ou min alim, même des ulama, zaru, bel ba'duhum murtad, comme le qissa de Abdullah al-Qasimi, qui est mort murtad, wal'iyadu billah. Allahu jalla wa'ala azarahum, lamma hasala minhum ma hasala min al-mukhalafat. Allah les a azarahum, il les a fait dévier lorsqu'il s'est passé de lorsqu'ils ont été auteurs de ce dont ils ont été auteurs de mukhalafat, des choses qui sont interdites, qui sont non conformes à l'islam. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه. La personne ne doit pas se sentir à l'abri ou bien se faire des éloges à lui-même. فلا يأمن من الزير ويخالط الأشرار ويخالط الأشرار عندكم كسرة تحت الطاء. فلا يأمن من الزير ويخالط هكا سي جوست ويخالط الاشرار. Donc la personne ne doit pas se sentir à l'abri de la déviation, de l'égarement. Et يخالط الاشرار, c'est-à-dire il se met à fréquenter à tort et à travers les mauvaises personnes. ويستمع اليهم, il les écoute. وينظر في الفتن, il s'expose aux turpitudes. لا يأمن على نفسه, faut pas qu'il se sente à l'abri. قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. Les cœurs des créatures sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah. Là, comme c'est venu dans le hadith. Rawahu Muslim, min hadith Abdillah ibn Amr. La ya'man ala nafsih. Wal khalil alayhi salatu wa salam yaqul, wajnubni wa baniya an na'bud al asnam, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Allah dit dans le Coran à propos d'Ibrahim alayhi salam, surat 14, dans la surat Ibrahim justement, versets 35 et 36. Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi, ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Fal insan la ya'manu ala nafsihi al-fitna wa su' al-khatima walau kana min aslah an-nas. Fal insan, personne, la ya'manu ala nafsihi, pas qu'ils sont à l'abri de fitna, de des tentations et de la mauvaise fin, même s'il fait partie des meilleurs des gens. Wala yaqnatu min rahmatillah walau kana min akfar an-nas. Et le contraire pour le contraire. Il ne faut pas qu'il se sente, il désespère de la miséricorde d'Allah, même s'il fait partie des gens qui, eux, qui sont allés et nés dans la mécréance au plus profond. فَقَدْ يَمُنُّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ فَيَمُوتْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Ça se peut qu'Allah lui accorde une faveur et qu'il lui accorde le repentir et qu'il meure sur l'islam et qu'il rentre au paradis. لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا. Tant que la personne elle respire, tant qu'elle est en état de vie, elle est exposée à ceci et à cela. Elle est exposée au mal, au bien, à l'islam, à la mécréance, à l'iman, au shirk, etc. Et les actes valent par leur dernier. فالأعمال بالخواتيم. قوله ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. Il convient donc d'avoir de bonnes pensées envers Allah et de craindre ses propres péchés. يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Il a des bonnes pensées envers Allah et la يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. وَيَخَافُ ذُنُوبَهُ. Il craint ses propres péchés. يَعْنِ لَا يَرْجُ رَجَاءً لَيْسَ مَعَهُ خَوْفٌ. C'est-à-dire, il ne faut pas que la personne ait un espoir complet. Elle n'a pas de peur. بَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. Au contraire, il réunit entre les deux caractéristiques, les deux adorations, l'espoir et l'espoir et la peur également. قال تعالى, c'est dans surat Anbiya, surat 21 Anbiya, Allah il a cité nombre de prophètes et nombre de qissas, nombre de récits des prophètes, et à la fin il a dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba. À propos des prophètes, il a dit ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. C'est-à-dire ils aimaient, ils avaient l'espoir et par crainte, ils avaient peur. وَهَاُولَ أَنْبِيَا وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ça c'est des prophètes, c'est pas des gens normaux. Et ils s'empressaient de faire le bien. وَيَدْعُونَ اللَّهَ رَغَبًا يعني طَمَعًا فِي ثَوَابِهِ. Ils invoquaient Allah, رَغَبًا, donc espérant sa récompense. وَرَهَبًا أي خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ, et par peur de son châtiment. فَالْأَنْبِيَا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. Les prophètes, ils ont réuni entre eux le fait d'aimer ou le fait de craindre et d'avoir l'espoir. La ya'khuduna janiban wa yatrukuna al-janib al-akhar. Ils prennent pas un côté, ils laissent l'autre côté. La ya'khuduna janib ar-raja wa yatrukuna janib al-khawf. Ils prennent pas le côté de l'espoir à l'extrême, à l'absolu, et ils délaissent le côté de la peur. Wa la ya'khuduna janib al-khawf wa yatrukuna janib ar-raja, ni le contraire. Wa yuhassinu al-'abdu dhannahu billahi al-'azim. Khususan 'inda al-maut. La personne, qu'elle ait une bonne pensée envers Allah, surtout lorsque son âme elle va sortir de son corps, lors de la mort. قال العلماء إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا. Il dit, Cheikh Rahimahullah, il dit que العلماء, les savants, ils ont dit que en état de bonne santé, il faut faire prévaloir le côté de la peur par احتياط, par précaution. Pourquoi? Parce que si tu fais prévaloir le côté de la peur, tu vas t'éloigner une idée, tout ce qui est interdit, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, etc. وعند الموت عند الموت يغلب جانب الرجاء. Lors au moment de la mort, il faut faire prévaloir le côté de l'espoir. Pourquoi? Parce que la personne elle peut plus œuvrer. لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار. La personne quand elle est vivante, elle peut œuvrer, elle peut se repentir, elle peut istighfar, peut demander pardon. لكن عند الموت لا يقدر على شيء. Lors de la mort, la personne ne peut plus œuvrer. فيغلب جانب الرجاء. Il fait prévoir, il faut faire prévaloir le côté de l'espoir. ولهذا جاء في الحديث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. Donc il dit, il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne meurt, que personne d'entre vous ne meurt sans avoir يعني une bonne pensée envers Allah. قوله فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. Si Allah lui fait miséricorde, ce sera un bienfait et une grâce, et s'il le punit, ce sera pour ses péchés. هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ويعذبهم إلا على أعمالهم. Donc, comme on a cité auparavant, que Allah ne n'accordera des bienfaits et ne châtiera les personnes que selon leurs actes. Voilà, yadlimu rabbuka ahada. Et Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Surat 18, verset 49. Ensuite, point 89. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. 89. Il faut avoir foi qu'Allah a montré à son prophète صلى الله عليه وسلم ce qui arrivera dans sa communauté jusqu'au jour de la résurrection. الشرح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne connaît pas l'invisible. ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب. Personne parmi les créatures ne connaît le domaine de l'invisible. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Allah dit dans le Coran, surat 27, verset numéro 65. Le sens dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. والغيب ما غاب عنا. الغيب, l'invisible, c'est ma raba anna, c'est ce qui est absent à notre propos, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible. Fil madhi wa fil mustaqbal, nahnu la na'lamu, que ce soit des choses passées ou des choses futures. On ne connaît pas ces choses-là, on ne voit pas ces choses-là. Lakin al-anbiya alayhim as-salatu was-salam yutli'uhum Allah ala shay' min al-ghayb li ajli maslahati ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, le prophète, ils ont une faveur à ce sujet-là, c'est que Allah il leur montre, yutli'uhum Allah ala shay' min al-ghayb, c'est-à-dire Allah il leur montre une partie du domaine de l'invisible, tout ça pour un profit de prêche. C'est dans le profit du prêche que les prophètes ils doivent supporter. Wa minhum nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces prophètes-là, notre prophète Muhammad ibn Abdullah alayhi salam, faqad atla'ahu Allah ala shay'in min al-mughayyabat. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré une partie des domaines invisibles. فأخبر بها عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة الأمة. Donc il a informé la nation de ce qu'il connaissait du domaine de l'invisible. Tout ça, c'est dans l'intérêt du prêche. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول. Allah dit dans le Coran, surat al-Jin, surat 72, versets 26 et 27, le sens, c'est lui qui connaît le mystère, c'est-à-dire l'invisible, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Illa man irtada min rasul fa inna Allah yutli'uhu ala ma yasha'u subhanahu wa ta'ala. Sauf ceux à qui Allah veut leur montrer parmi les messagers, parmi les anges ou les messagers humains, il leur montre une partie du domaine de l'invisible. مثلا exemple, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين. Le prophète صلى الله عليه وسلم marchait avec ses compagnons, ils sont passés devant deux tombes. قال إنهما لا يعذبان. Il a dit, certes, ils sont en train de se faire châtier, ces deux personnes là. رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. Il a dit, ces deux personnes sont en train de se faire châtier. الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. Les compagnons sont passés devant et ils ne se sont pas rendus compte ou ressentis ou etc. que les deux défunts qui sont enterrés dans ces deux tombes respectives, ils sont en train de se faire châtier. Allah atla'a rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ala ta'dib al-mayyitain. Allah il a montré à son messager que ces deux personnes-là, ils sont en train de se faire châtier. Qala innahuma la yu'adhaban. Il a dit les deux, certes, ils sont en train de se faire châtier. Le lam, lam al-tawkid, c'est pas lam al-nafi. Le la. Innahuma la yu'adhaban. Hada mimma atla'ahu Allahu alayh. Ça, c'est des choses qu'Allah lui a montrées. Wa hada min khasa'is ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Ça, c'est spécifique aux messagers. C'est pas. Baqiyat as-sahaba, le reste des compagnons, ils n'ont pas vu cela. Wa atla'ahu Allahu ala ma ya'ti fil mustaqbal. Allah lui a montré des choses qui allaient venir par la suite. Wa akhbarana sallallahu alayhi wa sallam an ashrat as-sa'a. Il nous a informé sur les signes de la fin des temps, signes révélateurs. Akhbarana an al-fitan. Il nous a informé sur différents discords, des tentations qui vont apparaître. Min ajli an nahdhara wa nakhafa an tudrikana hadhihi al-umur fa nakuna ala bayyina. Pourquoi? Pour qu'on prenne garde et qu'on ait peur que ces choses-là nous atteignent et qu'on soit sur une clairvoyance. Akhbarana li maslahatina. Il nous a informé dans notre intérêt à nous. Min nahiyati at-tahdhir li ajli an na'khudha hidrana. Il nous a mis en garde pour qu'on prenne garde. Qala sallallahu alayhi wa sallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidatan. Sabaqa takhrijuh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: et certes, cette communauté va se diviser en 73 fractions, tout en enfer sauf une. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة. C'est une information provenant du messager, comme quoi la nation elle va se diviser. وحصل كما أخبر عليه السلام من أجل أن من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين. Une erreur de frappe. Donc, il nous a informé afin qu'on se raffermé sur la vérité et qu'on ne diverge pas ou s'éloigne pas ou ne s'égare pas ou se perd pas avec les gens qui vont diverger, dévier, se perdre, etc. Point suivant, 90. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un, et ce sera le groupe. Il fut demandé: qui sont-ils au messager d'Allah? Il dit: ce sur quoi je suis moi-même et mes compagnons aujourd'hui. الشرح explication قوله la parole de le Barbahari رحمه الله تعالى قال واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق. الله nous a ordonné de nous réunir sur la vérité. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sourate 3 verset 103. Le sens: et cramponnez-vous au câble ou à la corde d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Wa qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Il dit à la fin de la sourate numéro 6, sourate Al-An'am, verset 159. Le sens: ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. Il dit également sourate 3 verset 105: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, se sont mis à disputer après que les preuves leur furent parvenues, et ceux-là auront un énorme châtiment. فنهانا عن التفرق وامرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. Donc, il nous a interdit de nous diviser, il nous a ordonné de nous réunir, de nous cramponner sur le Coran et la Sunna du messager. فقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Sourate 6 verset 153. Le sens: voici mon chemin sur toute sa clarté ou toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers, car vous allez vous égarer de son chemin. فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء. Il est interdit de se diviser et de diverger suivant les passions, ou تقليدا للآباء والأجداد, ou bien suivant les ancêtres, les parents, les grands-parents, ou taqlidan lil yahoudi wan nasara, ou bien suivant les juifs et les chrétiens. Ikhtilaf la yajuz fi umur al aqida wa usul al din, la divergence et la fraction dans le domaine de la conviction, dans le domaine des fondements de la religion, est totalement prohibé. Il faut impérativement se réunir et s'accorder là-dessus. Le domaine de jurisprudence. Là, il peut y avoir des divergences. Il peut y avoir des avis qui sont émis. Mais malgré cela, malgré qu'il y a des avis qui sont émis, il faut quand même revenir aux preuves qui sont citées. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله dit dans le Coran, surat 4, verset 59, le sens: si vous disputez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. إذن الاختلاف في العقيدة لا يجوز. Donc la divergence et la discorde, la fraction dans le domaine de la conviction est totalement interdite. Il y en a l'aqida tawqifiya. L'aqida, on s'arrête. On se limite aux textes, aux informations qui nous sont parvenues. Laysat mahal ijtihad. C'est pas un domaine où chacun peut faire un effort et sortir des conclusions et des résultats. Wa amma fi masa'il al-fiqh wal istinbat, fa kullun yajtahidu wa yastanbitu min ahli al-'ilm al-mu'ahhalina lil-ijtihad. Il dit dans le domaine de jurisprudence, dans le domaine de jurisprudence, et là on peut tirer des conclusions et des profits. Chacun, il fait son effort selon ses capacités, et parmi les gens qui sont min ahli al-'ilm, donc les gens qui sont dotés du savoir, al-mu'ahhalina, qui sont aptes à faire l'ijtihad. Les gens qui sont aptes à faire l'ijtihad, c'est pas n'importe qui s'adonne à ça. Wa qad yakhtalifuna fi wujuhat nadarihim, walakin la yabqawna 'ala al-ikhtilaf. Ça se peut qu'ils divergent justement sur leur c'est-à-dire sur leur vision des choses. Il y en a un qui voit la chose de cette manière, l'autre qui voit la chose d'une autre manière. Il ne faut pas qu'ils restent sur leur divergence. Ils doivent revenir au texte Coran et Sunna. فَمَنْ كَانَ مَعَهُ الدَّلِيلُ تَبِعُوهُ وَأَخَذُوا بِقَوْلِهِ. Celui qui a la preuve, qui tranche sur le sujet, il doit être suivi. وَتَرَكُوا رَأْيَهُمْ. Il faut délaisser les avis et les opinions. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. Voilà comment réagissent أهل السنة. وهذا الذي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. Et c'est ce sur quoi le messager nous a orienté. أما أن نقول أترك الناس كل يأخذ برأيه. Par contre, le fait de dire aux gens, le fait de dire, يعني chacun, il a sa vision des choses, chacun il voit son opinion, يعني ce qu'il voit de juste, خلاص. واختلاف الأمة رحمة كما يقولون. Et la divergence de la communauté, c'est une miséricorde, comme ils disent, c'est-à-dire comme la nation elle dit, etc. فَنَقُلْ هَذَا بَاطِلْ. Le cheikh dit هَذَا بَاطِلْ. Ça vous explique les paroles qu'il avait dit la dernière fois, qui étaient un peu équivoques. كَلَامَ الْعَلَمِ يَفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَنَقُلْ هَذَا بَاطِلْ. Le cheikh dit, ce sont des paroles qui sont vaines. Allah Jalla wa'ala yaqul, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah dit dans le Coran, surat Hud, à la fin, il dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. فَدَلَّ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, عَلَى أَنَّ الَّذِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا. Ça montre que les gens ils sont sans cesse dans une discorde et divergence, sauf ceux à qui Allah a accordé miséricorde, ceux-là ne sont pas en discorde et en divergence, ils sont d'accord. وَعَلَى أَنَّ الْإِخْتِلَافَ عَذَابٌ وَلَيْسَ رَحْمَةً. Et que la divergence, c'est un châtiment et ce n'est pas du tout une miséricorde. Ar-rahmatu lil-ladina lam yakhtalifu. La miséricorde, elle est accordée à ceux qui ne divergent pas. Wa in ikhtalafu raja'u lil-kitabi was-sunnah fa akhadhu bis-sahih wa taraku al-khata'. Même s'ils divergent, ils reviennent au Coran et à la Sunna, ils prennent ce qui est authentique et juste et conforme et ils délaissent l'erreur et ce qui est faux. Hadhihi tariqatu ahli as-sunnah wal-jama'ah, amma an yabqa kullun 'ala ra'yihi wa ma qala bihi fulan wa fulan. فليست هذه طريقة المسلمين. Il dit le fait que chacun garde son avis, son opinion, et on reste sur l'avis d'un tel et l'avis d'un tel, ce n'est pas la voie et le chemin que les musulmans doivent emprunter. هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات. Ça c'est la voie des gens qui suivent leurs passions, qui suivent leurs désirs. يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال. Ils recherchent ce qui est en conformité, en concordance avec leur passion, avec yani parmi les paroles qui ont été citées. وَيُوَافِقُ رَغْبَتَهُمْ, ce qui les arrange. وَمَا يُخَالِفُ رَغْبَتَهُمْ يَتْرُكُونَ, ce qui n'est pas, ce qui ne les arrange pas, ils le délaissent complètement. وَلَوْ قَالَ بِهِ الْإِمَامُ الَّذِي يَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ, même si c'est l'imam qui est suivi, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ou quelqu'un d'autre, il laisse sa parole parce que ça ne les arrange pas du tout. يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم. أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه. Ce qui n'est pas en accord avec leur passion, avec leur volonté, leur désir, ils le rejettent. هذا دليل على أنهم يتبعون أهواهم. C'est une preuve claire, clarté totale, comme quoi ils suivent leur passion. ما وافق هواهم أخذوا به وما خالف هواهم تركوه لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هو الذي ينادي به الآن وهذا هو الذي ينادى به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات في الغالب وفي الفضائيات. Il dit, هذا الذي ينادى به الآن. C'est ce qu'on entend. يعني, dans الصحف, dans les journaux, والمجلات, les magazines, الندوات والمؤتمرات, donc c'est les conférences, les séminaires, etc. En grande généralité, au fil fada'iyat. Fada'iyat, ça revient au fada. Fada'iyat, ça vient de le fada. Fada, c'est l'espace, à savoir, voilà, ce qu'utilisent les satellites, à savoir, le fada'iyat, ça rentre les chaînes télévisées, paraboles, etc. C'est-à-dire pas les médias? Non. Fada'iyat, c'est pas le média. Le média, c'est wasa et l'i'lam. C'est ça, le média. Fada'iyat, ça vient de fada. ويروجون الخلاف. ترويج c'est propagation, faire prendre du terrain. ويقولون نوسع للناس, donc ils font propager la divergence et ils disent il faut qu'on élargisse pour les gens, qu'on leur accorde une religion qui est vaste, qui est large. بماذا نوسع للناس, comment est-ce qu'on va élargir sur les gens? بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون. Il dit, est-ce que c'est, tu veux élargir aux gens en donnant, délaissant le Coran et le Sunna, et en donnant des paroles de personnes qui ne sont pas déchues d'erreurs. Ils font des erreurs et parfois ils ont raison. وَهُمْ يَنْهَوْنَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَافَقَ الدَّلِيلِ. Alors que ces propres personnes-là, ils nous ont empêchés de prendre leur parole qui est en contradiction avec la preuve. هم ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل. فهذا أمر يجب معرفته. Ça c'est quelque chose. معرفته. Pas معرفته. Ça c'est quelque chose qu'il faut impérativement savoir. لأن الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس. Les gens aujourd'hui sont éprouvés. ابتلوا, ça vient de bala, par ces personnes-là qui viennent et qui يلبسون على الناس. Ils leur font apparaître le tort en vrai et le vrai en tort. فقوله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة. Ce hadith là de la fraction division 73 fraction tout en enfer sauf une, hadith là est authentique بمجموع طرقه, avec toutes les versions qui ont été citées à son sujet. قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه, حديث مروي في السنن, حديث خرجه الأئمة, il était rapporté par nombre de muhaddith, wa athna'u alayhi, ils ont fait l'éloge dessus, c'est-à-dire qu'ils l'ont caractérisé de bon, hasan. Wal waqi'u yusaddiquhu, et même la vie quotidienne et les faits qu'on voit, ils sont en conformité avec ce hadith. Les musulmans, ils sont totalement divisés. Haythu akhbara sallallahu alayhi wa sallam anna hadhihi al-ummah al-muhammadiyya sataftariqu ala 73 firqatan wa hadhihi usul al-firq. 73 groupes, c'est les racines. C'est, si tu veux, les têtes de groupe. وهناك أكثر من هذه الفرق. Au jour d'aujourd'hui, elles sont plus que 73. لكن هذه أصولها. Les racines sont de 73. كلها في النار. يعني 72 كلها كلها في النار. 72 en enfer. إلا واحدة. Sauf une. وهي الثالثة والسبعون. وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Sauf une. Ok, la 73e, et qui est ceux sur quoi le messager était et ses compagnons. هذه ناجية من النار. Celle-ci elle est protégée, sauvée de l'enfer. ولهذا تسمى الفرقة الناجية. C'est pour ça qu'elle est nommée la fraction, le groupe sauvé, ويسمونا أهل السنة والجماعة وما عداهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار. ومنهم من يدخل النار لكفره ومنهم من يدخل النار لفسقه ومنهم من يدخل النار لمعصيته. Donc, il dit, ils sont menacés de l'enfer. Les autres fractions, il y en a qui vont entrer en enfer à cause de leur mécréance, d'autres à cause de leur débauche, d'autres à cause de leur péché. ليسوا سواء في دخولهم النار. Ils ne sont pas égales. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. On ne tire pas comme conclusion que toutes ces 72 fractions, elles sont hors islam, elles sont mécréantes. Là, قوله وهي الجماعة, c'est qui ce groupe-là qui est sauvé? C'est le groupe الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا. هذا هو الجماعة من كان على الحق, celui qui est sur la vérité, ولو كان واحدا. هذا هو الجماعة, même s'il est seul, c'est ça le groupe. أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق. Le fait que un groupe qui présente un grand nombre et un autre groupe qui présente un petit nombre, ce n'est pas un argument pour dire ceux qui sont beaucoup, ils sont sur la vérité. قال تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah dit dans le Coran, surat 6, verset 116, le sens, si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Surat 12, verset 103. Et la plupart des gens, même si tu es attentif et ardent à les prêcher, ils ne sont pas des croyants. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Surat 7, verset 102. Nous n'avons pas trouvé pour la plupart d'entre eux d'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux comme étant des débauchés. فَلَيْسَتِ الْعِبَرَةُ بِالْكَثْرَةِ. Le fait d'être beaucoup n'est pas un argument de vérité ou de non-vérité. الْعِبَرَةُ بِمَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَلَوْ كَانُوا قَلِيلِينَ. Ceux qui sont sur la vérité, c'est pas ça le facteur qui va faire qu'on va dire ceux-là ils sont sur la vérité ou pas, qu'ils sont beaucoup ou qu'ils sont peu. C'est le fait qu'ils soient sur la vérité réellement. وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا فَهُوَ الْجَمَاعَةِ. Même si la personne elle est toute seule, c'est lui le groupe. قوله قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح. من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة. Définition de la jamaa, c'est Ibn Sa'd qui l'a donné. Définition de la jamaa, tu veux que je vous le dise, Inch'Allah. Cheikh Salah, le Cheikh, il a ramené 5 ou bien 6 aqwal sur définition de la jamaa. Ibn Mas'ud fassara hadihi, حيث قال الجماعة من كان ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الذي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لكن جاء عنه أيضا عبد الله بن مسعود et أبو عبد الله بن مسعود الهذلي le مكوى أبو مسعود البدري الأنصاري. Ils ont dit الجماعة c'est السواد الأعظم. السواد الأعظم, c'est-à-dire la grande fraction, la majorité. Cheikh Edi, في شرح الوسطية, المقصود بالسواد الأعظم في عهد الصحابة, à l'époque des compagnons. السواد الأعظم, c'est-à-dire les compagnons, ils étaient en majorité par rapport aux autres, c'est eux, الجماعة. فلا définition هذه تختلف من وقت إلى وقت. إن شاء الله, pour la semaine prochaine, j'ai vu لكم عدة أقوال, خمسة أقوال. منها ما هو مردود, منها ما هو مقبول. نعم. الحديث الأخر يقول له وإن تدرك الموت يعني أخش وأدخل النار. يقول له وإن لم تكن لهم جماعة. الحديث ماش ما عندوش كل معنى في جماعة وما كنا عند لا إمام ولا جماعة. يقول له فاعتزلت تلك الفرق كلها. مش بيه الحديث هذا. لا الحديث يقول الجماعات مثل une personne. Je crois que je vais te parler aussi de la question. Inch'Allah, je vais vous parler de la question. Je vais vous parler de la question. Je vais vous parler de la question. Je vais vous parler de la question. البوينت سويفون. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. Ainsi était la religion jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. La communauté était unie, et de même à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Lorsqu'il fut tué, la divergence et les innovations apparurent. Les gens se divisèrent en groupes, se divisèrent en sectes. Parmi les gens, certaines personnes sont restées accrochées à la vérité quand les choses ont changé. Mais ils sont restés fermes sur la vérité, l'ont appliquée et ont appelé les gens à elle. شرح explication. قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان. Ainsi était la religion jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. La communauté était unie et de même à l'époque de Uthman رضي الله عنه. في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم. À l'époque des compagnons, compagnons qui étaient encore vivants, et tabi'in, successeurs, kana al-mukhalifun, ceux qui étaient en contradiction avec eux, kana mukhtafin, ils étaient mukhtafin, ils étaient cachés, ça vient de l'khafa, mundassina, mundassin, c'est-à-dire qu'ils étaient infiltrés dans, au milieu de... Voilà, indassa, c'est-à-dire la personne, elle se mélange à la foule, si tu veux. Munafqani, il se mélange à la foule. بين الناس كالقدرية وغيرهم كم par exemple la fraction de القدرية وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين. Pourquoi? À cause de la force de l'islam, la force des musulmans. إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن. Jusqu'à ce que les juifs ils ont introduit un homme parmi eux provenant du Yémen. يقال له, il s'appelle Ibn السوداء, fils de la noire. عبد الله ابن سبا اليهودي عبد الله بن سبا اليهودي عبد الله fils de سبا الجويف. فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه. Il est venu à Médine, il a fait apparaître l'islam pendant le califat de Uthman رضي الله عنه. A savoir que Omar il a été assassiné à la fin de l'an 23 في ذي الحجة سنة 23 l'an 23 la fin de l'an 23 انتهت خلافة عمر et c'est Uthman qui a pris الخلافة. وجعل يسب عثمان في المجالس. Donc cette personne là se mettait à insulter Uthman ibn Affan رضي الله عنه dans les assises. لأنه ادعى الإسلام خدعة. Pourquoi? Car c'est une personne qui a prétendu l'islam خدعة, tromper les gens, c'était pas vrai. ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال. Il dit, puis s'est mis à insuffler. Nafth, c'est comme postillonner, voilà. Nafth, التفل. Nafth, قد يكون معه. التفل, ils disent, فيه ريق, il y a de la salive. Nafth, ça se peut qu'il y ait un peu de salive, ça se peut qu'il n'y a pas de salive. Sumumahu. Sumum, ça vient de Sum. Sum. Beaucoup de gens ils disent sem. C'est pas sem le mot arabe, c'est sum. Le poison c'est sum. Sem. Sam. Sum. Il n'arf le poison. Sem. Je vous dis pas que ça existe pas, mais les ma'rouf ou sum. Faites un peu les soufis là, deux minutes. Hein? Le juif, quand il saluait le prophète, il disait pas Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça ressemble à Assalam. Assalamu alaikum. Naam, je gagne. L'yennahu da'a. Thumma akhada yinfudhu sumumahu fil majalis. Wa yahduruhu sufaha. Les gens faibles d'esprit étaient présents. L'awrad. Awrad dans le calendrier dictionnaire. Ils mettent word. Jam'uhu awrad. Kanaï krapul. Awrad wal juhal. Des ignorants. Wa ba'du an-nas. أو كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال. Beaucoup de gens يهوون, ça vient de الهوى. يهوى يعني يحب, يميل. La personne elle penche, elle aime, hein, السب والقيل والقال un tel il a dit, un tel il a fait, دخل فلان, خرج فلان, قال فلان, قيل فيه, فاجتمعوا عليه, ils se sont réunis sur lui, ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر, اجتمعوا عليه, ils se sont réunis يعني, contre lui, et lorsque فطن له, c'est-à-dire qu'ils ont été éveillés à son sujet, ils ont remarqué يعني, son état d'esprit, طرد من المدينة, il a été expulsé de Médine. ذهب إلى مصر. Il partit en Égypte. ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق. فانغمس فيها. Il a trouvé un lieu, une cité ou une ville en Égypte qui est connue pour la discorde. Plein de problèmes là-bas. فانغمس فيها. Il s'est mélangé à eux. ونشر سمومه فيها. Il a propagé sa propagande là-bas. وسب عثمان. Il a insulté عثمان là-bas. ثم في النهاية تكون منهم عصابة معهم سلاح وقوة معها سلاح وقوة. La fin de cela, عصابة, c'est-à-dire un groupe considérable, s'est réuni. Ils avaient des armes, c'était une force qui était considérée. Ils représentaient une force considérée. فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه. Ils sont venus sur عثمان رضي الله عنه s'opposant à lui. ويخطئونه. Il dit يعني, tu as tort sur telle et telle chose. فعثمان رضي الله عنه أجابهم وضحض شبههم. عثمان a répondu à leur équivoques, il a mis fin à leurs équivoques. D'ahd al-shubah, c'est leur mettre fin. Thumma raja'u, sont repartis. Thumma talawamu fi al-tariq. Wa qalu ma amilna shay'an. Talawamu min Laum. Lama ba'duhum ba'dan. Comme dans sourate al-qalam. Talawamu fi al-tariq. Ce sont blâmés les uns les autres. On n'a rien fait. On est allé, on n'a rien fait. Thumma raja'u ala Uthman radiyallahu anhu wa hasaruhu fi baytihi. Ils sont retournés chez Uthman, حاصروه, c'est-à-dire ils ont encerclé sa maison. Les sahabatu aradu an yudafi'u an al khalifa. Compagnon voulu défendre le hakim Uthman. Walakin Uthman naha an dhalika khashyat al fitna. Uthman ne les a pas laissé le défendre. Wa khashyat safk al dima. Par crainte que le sang ne coule. Nahahum an dhalika ala ahli ala amal an al mas'ala fiha muhawara wa muraja'a. Il a refusé cela, espérant que ça reste un sujet de muhawara wa muraja'a, un sujet de discussion et un sujet de d'établissement et de la vérité pour que ceux qui sont en tort reviennent. Yuridu an yuqni'ahum, il voulait les convaincre. Lakinnahum lamma ra'aw annahum lam yudriku shay'an bil hujja, qafazu 'alayhi bil layli wan nas niyam. Quand ils ont vu qu'ils ont pas pu prendre le dessus sur lui dans les arguments religieux avec la langue, qafazou, qafaz c'est sauter, c'est comme ils s'en sont pris à lui la nuit alors que les gens dormaient. Wa qatalou radiyallahu an, ils l'ont tué. Quel âge l'avait Uthman lamma qutil? 82. C'est l'exception par rapport au khulafa arba'a et al rasoul, kulluhum matou alors qu'ils avaient 63, illa Uthman tajawaz al 80. Qal لما رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها انتهزوا الفرصة في غفلة. Quand ils ont vu que leurs arguments داحضة tiennent pas debout et qu'ils n'ont pas pu prendre le dessus à ce sujet-là, ils ont saisi انتهز الفرصة, c'est saisir l'occasion, في غفلة, lors de l'inattention des gens la nuit. وغلب الناس في الحج également خلافة عثمان انتهت في آخر سنة 35 à la fin de l'an 35, fi shahr zil hijja, c'est là qu'il a été assassiné Uthman. Donc 12 ans, sa khilafa a duré 12 années. أغلب الناس في الحج, la plupart des gens étaient au pèlerinage. والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين. Et les Médinois, ils étaient en train de dormir, آمنين, en état de sécurité. على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة. Et comme quoi, on pensait que Mas'ala, t'ahtaj la niqash ou muhawara ou kada, qafazu alayh fi l'layl, qabbahahum Allah fi baytihi wa qatalouh. Donc, ils s'en sont pris à lui la nuit. Et ils l'ont assassiné. Shahidan radiyallahu anh. Il est mort martyr. Wa huwa yatlu al-Qur'an. Wa ma'ahu mushafun. Hatta sala damuhu ala al-mushaf radiyallahu anh. Wa huwa yatlu al-Qur'an. était en train de réciter le Coran. Il avait donc son mushaf, son livre. Hatta, à tel point que le sang a coulé sur le mushaf lui-même. Fahina idin, hadathat il fitna. Ondur, ithaf al-jama'a al-sheikh Hamoud al-Twijiri, rahimahullah, kitab fitnat maqtel Uthman, docteur Mohamed al-Ghabban. Donc il dit, à ce moment-là, la discorde a éclaté. Wadda'a hadha al-khabithu anna al-khilafata li-Ali, radiyallahu anhu, anna laysat li-Abi Bakr, wala li-Umara, wala li-Uthman. Donc, cette personne-là a décrété et prétendu que le califat, il était normalement attribué à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. C'était ni Abu Bakr de le prendre, ni Omar, ni Uthman. Wa innama hiya li Ali. Wa anna Aliyan huwa wasiyu Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est Ali qui devait prendre le califat, car c'est Ali qui a été recommandé par le messager. Wa anna haula zalamu al-khilafa, wa akhaduha irtisaban min Ali. Alors que haula, ils ont dit cela, zalamu al-khilafa, ils ont été injustes au propos du califat et ils l'ont pris irtisaban min Ali. Irtisab, c'est violation. Ils ont violé le droit de Ali. Wal ajib anna Aliyan madda'a hadha. C'est étrange, c'est que même Ali lui-même n'a pas parlé de ça du tout. Wala talaba bil khilafa. Il n'a pas demandé le califat. Wala qala annaha haqqu biha. Il n'a pas dit c'est plus, moi le plus méritoire. Bal kana mubay'an wa sami'an wa muti'an li ikhwanihi al-khulafa' ar-rashidin radiyallahu anhum jami'an. Il a prêté allégeance, il a écouté, il a obéi à ses frères qui l'ont précédé, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Uthman. عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين. لا ديسكورد لا اكلاتي. Les musulmans se sont entretués les uns les autres. ولكن الله خيب ظنه. Mais Allah il a mis fin à خيب ظنه. Il a fait en sorte يعني que les choses ne se passent pas comme lui le voulait. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة قتل منهم من قتل. C'est vrai qu'il y a eu de discorde. Il y a eu une épreuve. Il y a eu des tueries entre les musulmans. Nombre d'entre eux ont été assassinés, tués. لكنه ما عمل شيئا بالإسلام. Et il n'a pas pu dissoudre l'islam. الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا. L'islam il est resté comme il était. وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين. يعني ils n'ont pas pu corrompre l'islam. والحمد لله نعم حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل. لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله. يعني c'est passé ce qui s'est passé, des discordes, des tueries, et Allah il a agréé les compagnons tout entier. ولم يحصل, يعني tous ensemble, ولم يحصل هذا الخبيث على طائل. الطائل c'est l'avantage profit. يعني cette personne là, هذا المجرم, il a pas atteint son but si tu veux. هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان. En résumé, ce qui s'est passé avec Uthman. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر. Ça montre qu'il est totalement interdit de se rebeller contre le hakim. وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء. Et que se rebeller contre les autorités, il y a des mauvaises conséquences. Et ça engendre que le sang, il coule. ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد. Et les gens ne cesseront d'être يعني les gens n'ont cessé d'être dans des discordes depuis cette époque là. وانتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون الى الفتنة والخروج على ولاة الامور بحجة انكار المنكر. Il dit, vous connaissez ceux qui appellent, qui prétendent à la discorde, fait de se rebeller contre les autorités en disant ça fait partie de réprouver le mal. ظهرت المعتزلة والخوارج كله من هذا الباب ولا تزال إلى الآن. Donc les différentes premières sectes qui sont apparues comme le Khawarij, le Mu'tazila, tout ça, elles sont apparues avec ce vêtement là. قوله فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. Lorsque Uthman a été assassiné, la divergence, la discorde et les innovations ont pris du terrain. يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في امرهم. Prendre garde aux prêcheurs du tort, il ne faut pas être léger avec eux. وانه لا يجوز الكلام في ولاة الامور. ولهذا اوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه. Pas parler, critiquer les autorités ولهذا سيبور سولا كو الميساجي صلى الله عليه وسلم اوردوني ديكوتي دوبير وعدم الخروج على ولاة الامور وان جاروا ne pas se rebeller contre les autorités même s'ils sont جاروا من الجور même s'ils sont injustes وان ظلموا وان فسقوا ما لم يصلوا الى حد الكفر الصريح donc ils n'atteignent pas là le degré de mécréance qui est direct et clair هذا هكذا اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم voilà la recommandation prophétique قوله وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. Les gens se divisèrent en groupes et en sectes. Parmi les gens, certaines personnes se restaient accrochées à la vérité quand les choses ont changé. Mais ils se restaient fermes sur la vérité, l'ont appliquée et ont appelé les gens à elle. قال لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة. Quand la divergence est apparue, les innovations sont apparues, Allah a refermé أهل السنة على السنة. وأهل الحق على الحق وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. Ce qu'Allah a affirmé, ils sont restés sur la droiture. Ce qu'Allah a égaré, ils se sont égarés. Et ils ont mérité le wa'id, la menace de l'enfer selon leurs actes. الفائدة للشيخ أحمد النجمي رحمه الله قال قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب والجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه وأقول الشيخ دي رحمه الله إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان ça commencé quand les خوارج se sont rebellés sur عثمان ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان ونبتت نابتة الخوارج فظاهروا بدعوة ابن السوداء donc il dit ils sont apparus suite à proche année de cette personne ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة et la secte de القدرية est apparue à la fin de المعمرين من الصحابة c'est ceux qui ont vécu longtemps parmi les compagnons كعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قصة avec en Irak quand ils lui ont dit akhbirhum informez-les que Abdullah ibn Umar bara'u minhum etc. wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Abbas wa Ali wa Abdullah ibn Abbas wa ala ra's al-mi'ah dhaharat fitnat al-i'tizal donc il dit les khawarij ils sont apparus les qadariyah ils sont apparus à la fin de l'époque des compagnons ensuite ala ra's al-mi'ah c'est-à-dire vers l'année 100 al-i'tizal al-mu'tazila wa al-qawl بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد في النار لأصحاب الكبائر ثم تتابعت الفتن ensuite les innovations ont cessé d'apparaître وظهرت البدع شيئا فشيئا وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم au début de deuxième centenaire donc deuxième siècle au début du deuxième siècle sans quelque chose الجهمية وإنكار الصفات le fait de réprouver qu'Allah il aurait des attributs ثم بعدها كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن ensuite au début المعتزلة ils étaient rejetés par tout le monde jusqu'à ce qu'ils ont ils ont convaincu المأمون le calife المأمون qui était à l'époque de l'imam Ahmed début des années 200 et qu'il a propagé cette innovation là que le Coran il est créé وتوفي وهو يدعو إليها il est mort en 218 نعم 218 واستمر بعده عليها المعتصم ensuite le معتصم le gouvernant suivant والواثق على التحدي لأهل السنة الواثق pareil mais lui c'était juste pour défier أهل السنة ونبذهم في السجون il les a laissés en prison وقتل بعضهم حتى أظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله jusqu'à ce que le quatrième il apparaisse en 231 ou 32 ou quelque chose comme ça وظهرت في عصره السنة وانقمعت البدع والحمد لله فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى دي ولا ديبوليسيون يعني لينوفاسيون دون لاباريسيون وفي المئة الثالثة دونك دون لو تخوازيام سونتنير ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطاحات لي دانسور اي سون باغي لي صوفي وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج وهذا معنى ما قال المؤلف وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع. Il dit donc ici quatrième catégorie, c'est-à-dire le quatrième siècle, لأن الثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم. Il dit malgré que des innovations sont apparues avant, mais les trois premiers siècles, ils étaient moins touchés que la suite. Le chef sera plus. Là. Non, juste. Ça se peut, ouais. Non, parce que ici, pas. C'est en fait plus résumé. Oui, ouais. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, le reste, on ira la prochaine fois. Okay. Allez. Le rapport entre les trois khalifas, c'est des frères. Ah, j'ai jamais lu ça, j'ai entendu l'Akhar, le frère converti là. Frère qui justement Abbas quand il parlait de ça Bayt al-Hikma que le Ma'moun il avait fait tout ça là fait l'Irak, il avait dit que c'était quatre frères. Allah wa'ala les enfants de Harun al-Rashid, voilà ce qu'il avait dit, ouais. Allah ta'ala alim, on s'arrête là inshallah et on continuera le semaine prochaine bismillah. Hada wallah ta'ala alim, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Une question de Cheikh sur son sunnah. Quel est le commentaire sur le Riyad al-Jannah? Riyad al-Jannah.